winds 120 knots west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. La fille de soir prend son siège et vous accompagne jusqu'à minuit à Choix 98.1 Radio X. On commence avec l'émission Le Lascar, ma soirée préférée, la soirée des crimes occultes. Et je suis très bien accompagnée, le maître d'orchestre de cette émission, Radio X Files, c'est Christian Page. Comment ça va, Christian? Ça va bien, Camille. Effectivement, on se fait plaisir ce soir. Moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. Hein. Je l'ai souvent dit à l'émission, les gens, lorsque l'on cite mon nom, il est souvent associé aux fantômes, aux ovnis, à ce genre de trucs surnaturels. Mais ma passion première, ce sont les crimes occultes. En fait, c'est l'occultisme et principalement les crimes occultes. Puis je me suis dit que ce soir, ce serait peut-être bien de faire d'essayer de donner aux gens qu'est-ce qu'on entend par un crime occulte, qu'est-ce qu'on entend par un crime rituel ou un crime ritualisé. Et c'est quand même un lexique qui est important de bien comprendre pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie on se trouve. Comme par exemple, si on parle d'un crime satanique ou un crime occulte de façon plus générale, à quoi fait-on référence? Parce qu'il faut savoir que les crimes occultes sont excessivement rares. Le crime occulte, c'est un crime dont la raison première du méfait, c'est une croyance dans quelque chose de surnaturel. Donc, je crois que je suis un vampire et pour répondre à mon besoin, je vais aller assassiner ma voisine pour boire son sang. Donc, la raison première de commettre le crime, c'est cette croyance dans une espèce de fantasme surnaturel fantastique. Donc, ici, on est réellement dans le cas du crime occulte. Et ce genre de crimes sont excessivement rares. Ce que l'on trouve généralement, c'est plutôt un crime ordinaire qu'on a ritualisé. Et je te donne encore là un exemple. Il y a ton voisin qui quittons sa pelouse tous les dimanches matins à 8 heures. Oui. Toi, tu es une sataniste pratiquante et le fait quittons son gazon comme ça le dimanche matin à 8 heures, ça te tombe un peu sur les nerfs. T'essayes de t'entendre avec lui, ça va pas bien. À un moment donné, tu te présentes à son domicile, tu essaies de lui faire entendre raison, la conversation dégénère, il y a un couteau sur le comptoir. Finalement, dans l'altercation, tu prends le couteau, tu poignardes le voisin. Et là, okay. Mais comme tu es une sataniste convaincue, ben, tu décides de poursuivre le crime en le ritualisant et tu vas y faire un 666 à Beden avec le couteau. Ici, on n'est pas dans le cadre du crime occulte ni même satanique, parce que la motivation du crime n'était pas une croyance dans le surnaturel. Ta première motivation du crime, c'était que ton voisin cesse de tondre son gazon le dimanche matin à 8 heures. C'était ça la véritable motivation. La conversation ça a dégénéré dans une altercation. Et comme tu es une sataniste, tu as décidé de ritualiser ton crime en faisant un 666 dans Bédane du voisin. Donc ici, on n'est pas dans le crime occulte, on n'est pas non plus dans le crime rituel, parce que le fait d'avoir signé le crime de cette manière-là ne fait pas de toi une personne qui va agir en fonction de données précises. La donnée précise, la façon d'agir, le modus operandi, c'est le rituel. Donc par exemple, tu crois au diable, donc tu crois que tu es un vampire, tu vas aller assassiner le voisin pour boire son sang, mais au-delà de ça, tu crois que dans cet univers du surnaturel, tu dois, une fois que ta victime a été assassinée, tu dois la placer en croix, tu dois faire tel ou tel symbole sur les murs, sinon la magie n'opérera pas. Okay. Donc ici, il y a plus un protocole et... Voilà, c'est un modus operandi. C'est pas quelque chose comme ça au hasard. Prenons par exemple les crimes de Richard Ramirez. Ouais. C'était pas ni des crimes sataniques et c'était pas non plus des crimes rituels. Richard Ramirez, la première motivation de commettre ces crimes, c'était d'entrer dans des maisons, d'assassiner des gens pour voler leurs biens. C'est vrai. Et ensuite de ça, il allait voir des receleurs, vendait ces trucs-là et ça lui permettait... Bon, il y avait une addiction à des drogues, puis évidemment, ça lui permettait d'assouvir ça. Mais comme c'est un sataniste convaincu, Ben, une fois qu'il y avait, puis dans bien des cas, il violait les victimes féminines. Donc, c'est assez curieux, parce que j'ai en tête un cas où l'assassin dit au tribunal, il dit, c'est le diable qui me demandait d'assassiner ces femmes. Curieusement, le procureur lui a demandé, mais c'est curieux que le diable vous demandait toujours d'assassiner de séduisantes brunettes. Hein? Ouais. C'est quand même curieux, là, tu sais, là, parce qu'il les agressait sexuellement, mais jamais il prenait des femmes âgées, jamais il prenait des femmes qui répondaient pas à des standards de beauté. C'était toujours des femmes super séduisantes. En quoi le diable pourrait-il être intéressé là-dedans? Donc, dans le cas de Ramirez, son objectif premier, c'est pas de répondre à un besoin de surnaturel. Son premier besoin, c'est de voler ses victimes. Donc, on n'est pas dans le crime satanique. Et ensuite, lorsque Ramirez commet son crime, à un moment donné, par exemple, il va faire un pentagramme sur le mur. Il fait un pentagramme là, mais il l'a pas fait dans les autres crimes qu'il a commis. Il l'a fait une seule fois. Donc, on voit bien ici qu'on n'est pas non plus dans le crime rituel. Richard Ramirez n'a pas besoin de mettre des pentagrammes sur les murs à chaque fois qu'il commet son crime dans l'espoir de faire intervenir une magie, là. Donc, on est en présence simplement d'un sataniste convaincu qui commet des crimes ordinaires qui sont commis dans le but d'obtenir des biens qui va repasser à des receleurs. Et comme il est un sataniste, il va ritualiser ses crimes, mais la façon dont il le ritualise, c'est simplement une espèce de signature qui n'a rien à voir avec un protocole pour lequel il se sent obligatoirement contraint d'agir, sinon la magie ne fonctionnera pas. Donc Richard Ramirez, si on le plaçait dans notre tableau, c'est un tueur qui est fascinant. Mais en soi, ces crimes ne sont ni occultes et ne sont pas non plus des crimes rituels. Donc ici, on est en présence de deux choses très différentes. Et les crimes occultes, donc des crimes commis essentiellement sur la foi d'une croyance en quelque chose de surnaturel, c'est excessivement rare. Généralement, quand on est en présence d'un crime que l'on croit être occulte, quand on gratte un peu, on découvre assez rapidement que la motivation derrière le crime était souvent autre, soit l'obtention d'objets, hein, un gain quelque part financier, comme dans le cas de Richard Ramirez, ou bien d'avoir des crimes pour des raisons sexuelles, pour des raisons de jalousie, pour des raisons de se débarrasser de ses ennemis. On a vu ça, par exemple, des gens, des bandes de motards. Il y avait des gens là-dedans qui s'adonnaient à du satanisme. Puis, on a éliminé un membre du groupe adverse. On a ritualisé le crime en faisant des pentagrammes sur le mur. Mais en réalité, la victime n'avait pas été choisie dans le but de répondre à un besoin du diable. Le premier but était de se débarrasser d'un rival. Donc, on n'était pas dans le crime satanique. Puis, il faut faire attention aussi parce que les médias aiment beaucoup le superlatif. Alors là, des gens vont commettre un crime, puis il suffit de retrouver chez ces gens-là 3-4 disques de musique heavy metal, une Bible satanique, 2 livres occultes, et ça devient soudainement un crime occulte. Tu sais, c'est un tueur occulte. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé 2 albums de musique heavy metal chez lui, puis 3 livres qui traitaient d'occultisme. Ah, le parallèle est facile à faire. Voilà, est-ce que si on chez un individu, on trouvait, par exemple, une Bible et 3 albums de musique gospel, est-ce qu'on dirait, oh, c'est un meurtre chrétien? Ben, pas du tout. Donc, il faut faire attention à la façon dont les médias vont traiter ce type de crime. Puis, il faut également regarder quelles sont, dans un premier temps, les motivations derrière le crime. Et ensuite, regarder de quelle façon le crime a été commis. Le modus operandi du tueur répond-il toujours aux mêmes critères? Et si ces critères-là font-ils partie d'une espèce de fantasme pour lequel un pouvoir quelconque surnaturel doit agir? Et quand on regarde l'ensemble de ça, je le répète, les crimes occultes demeurent excessivement rare. Est-ce que la plupart du temps, on va plus se baquer sur le fait que la personne a des troubles mentaux? T'sais, où est la maladie mentale? Quel rôle peut-elle jouer dans les cas de meurtre occulte? Dans bien des cas, la maladie mentale est omniprésente. Oui. Hein? Hein, parce que, par exemple, l'une des caractéristiques de la schizophrénie, c'est d'entendre des voix. Mais généralement, ces voix-là sont un peu comme des murmures. Et généralement, les gens qui souffrent de troubles de schizophrénie, les propos qu'ils entendent, les murmures qu'ils entendent, sont pas des propos encourageants. Non, c'est pas une voix qui dit, le diable m'a commandé, ça commence. Ouais, c'est ça. La voix, c'est rarement de dire t'es beau, t'es gentil, oh, je t'aime, vite des petites fleurs bleues, puis les licornes, puis les arcs-en-ciel. Non. C'est rarement ça qu'ils entendent. Généralement, ils entendent des propos excessivement agressifs, des propos souvent très vicieux, et souvent, ben, ça va les entraîner à commettre des actions qui sont répréhensibles. Donc, la schizophrénie, elle est très souvent évoquée lorsqu'il y a des accusés qui vont dire au tribunal, ben voilà, le diable me parlait, j'entendais des voix, je devais commettre ces crimes-là. Et il y a quelques histoires célèbres de tueurs qui ont été classés comme étant des tueurs occultes ou durant le procès, je pense par exemple à Richard Chase. Hein, bon, on en parlera à un moment donné. Là, ici, on est réellement dans le cas d'un crime occulte sur la motivation. Hein. Chase entendait des voix, assassinait des gens, buvait leur sang. Bon, ça donnait à non seulement de la nécrophilie, mais également du cannibalisme. C'était la totale. Et quand Chase a été arrêté, bien évidemment, il disait qu'il entendait des voix. Il était convaincu qu'à l'intérieur de lui, son corps pourrissait de l'intérieur. Et il devait obligatoirement s'alimenter du sang de d'autres personnes, d'où son surnom du vampire de Sacramento. Il devait boire le sang des autres pour pouvoir purifier son corps. Mais bon, Richard Chase, au moment de son procès, on a évoqué, bien sûr, que le bonhomme souffrait de plein de troubles mentaux et qui, éventuellement, l'ont amené à commettre ces crimes-là. Donc, c'est vrai que la maladie mentale est souvent très, très proche des tueurs occultes. Donc, parce qu'on est souvent dans une forme de désillusion, là, c'est-à-dire que l'assassin s'est perdu quelque part dans son monde de fantasmes, et si l'individu en question souffre de troubles mentaux, ben, il va y avoir une accentuation de ce délire-là qui va l'amener à commettre des crimes. Donc oui, la maladie mentale est très, très souvent présente lorsque l'on parle de crimes occultes. Et ce sera probablement le cas de notre sujet ce soir. On va parler du Warlock. Oui, c'est un sujet qui était très intéressant. Je te raconte un peu l'anecdote comment le Warlock est arrivé. À l'époque, je tournais la série Dossier Mystère. Et j'avais en tête de tourner deux autres séries pour Canal D, parce que bon, Dossier Mystère avait été présenté à Canal D. J'avais en tête de présenter deux autres séries à Canal D, une sur les crimes occultes et une autre sur les enfants tueurs. Et les deux ont été éventuellement acceptés, tournés et diffusés à Canal D, dont l'une s'appelait Jeu mortel, quand les enfants assassins, je pense les enfants tueurs, je pense que c'est le titre que Canal D avait donné. Okay. Et ensuite, il y a eu les crimes occultes qui étaient diffusés aussi à Canal D. Donc, ces deux séries-là que j'ai réalisées et présentées à Canal D, au moment où on tournait Dossier Mystère, l'idée avait déjà été proposée à Canal D, et là, Canal D me disait, ça serait le fun d'avoir un petit échantillon, quelque chose comme ça. Donc, je me suis arrangé pour qu'il y ait un intrus dans Dossier Mystère, et cet intrus, c'était le Warlock. Donc, j'ai trouvé un crime occulte, un crime qui impliquait des adolescents, et c'était assez mystérieux en soi. Donc, c'était assez mystérieux pour que ça fasse partie des dossiers mystères. En même temps, ça me permettait de justifier, on pouvait faire une espèce de présentation pilote pour les tueurs, les adolescents, les enfants tueurs, et encore utiliser le même matériel pour faire une série sur les tueurs de l'occulte. Donc, quand j'ai fait le Warlock, évidemment, c'est une histoire que je connais bien parce que je me suis rendu sur place. J'ai rencontré tous les gens qui étaient impliqués dans le milieu judiciaire de cette histoire-là. Donc, les avocats, les procureurs, juges et compagnie, les psychologues et psychiatres qui ont été impliqués dans le dossier. J'ai rencontré la mère de la victime et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir accès à tous les dossiers de cour, autant les dossiers policiers, donc les photos de la scène du crime, tout ça. Donc, c'est un dossier que je connais bien. C'est un dossier aussi qui m'avait un peu horrifié. Je me retrouvais quand même un peu parachuté dans un univers qui m'intéressait, mais que je ne côtoyais pas d'aussi près. Okay. Et là, quand il y a une différence entre dire quelqu'un a été découpé en morceaux et voir le quelqu'un découpé en morceaux. T'sais, tu comprends? J'imagine. C'est comme, il y a comme un monde entre les deux. Et je me rappelle dans ce type de série, à un moment donné, je me rappelle une scène où il y avait une fillette qui avait été assassinée. Je te passe les détails, c'était vraiment sordide. Et le procureur me donne les photographies de la scène de crime. Et là, je les étends sur la table et c'est épouvantable. Et là, je regarde ça et là, je dis à mon cadre, là, je demande d'avoir un double des photos. Et là, le procureur me dit, c'est l'avocat de la cour, là. Hein? Ouais. Et là, lui, il me dit, Ah non, il dit, je peux pas vous laisser le dossier. Fait qu'il dit, mais vous pouvez prendre des photos ou filmer les photographies qui sont dans le dossier. Fait que moi, je disais à mon caméraman, je disais, écoute, je vais étendre les photos là, sur la table, puis filme chacune des photos en gros plan pour qu'on puisse ensuite alimenter le documentaire. Le caméraman a refusé. Ah. Donc après, en voyant les photos, là, écoute, c'est un caméraman chevronné, mais le cœur lui levait. Là. Il dit non, moi je filmerai pas ça. Donc c'est moi qui a placé au départ les photos sur un petit chevalet avec la caméra qui a filmé photo par photo. Lui était trop dégoûté par ces images-là. Donc c'est vrai que quand on le voit à distance, on le lit dans des ouvrages ou des trucs comme ça, c'est une chose. Mais quand on est confronté directement à la scène de crime, avec les détails, les rapports d'autopsie, on est dans un autre univers. Là. On a comme franchi une étape différente. On n'est pas encore sur le terrain. T'sais. J'essayais de me mettre dans la peau des policiers qui arrivent sur place ou des policiers qui ont découvert le corps des victimes. Et j'ajouterais à ça, Christian, toi, tu avais les photos, c'est graphique, c'est cru, mais il y a le facteur olfactif qui doit être épouvantable pour ces gens-là. Écoute, je me mets dans la peau l'histoire de crime occulte le plus troublant, l'histoire la plus troublante que j'ai eu à couvrir. C'est une affaire qu'on a appelée les éventreurs de Chicago. Et après avoir vu, les policiers m'ont accompagné sur les scènes de crime, mais évidemment, ça se passe. La scène de crime, 30 ans plus tard, tu comprends? Donc, les policiers m'arrivaient sur place, ils me disaient, bon, tu vois ici, juste à cette intersection-là, là où se trouve, par exemple, un petit pavillon ou un restaurant, ben, ils me disaient, autrefois, c'était un champ, puis on a trouvé le corps de la victime là. Donc, ils me racontent ça, on est 30 ans plus tard sur les scènes de crime. Mais ensuite, j'ai vu les photos des scènes de crime, et c'est parmi les crimes les plus épouvantables qui m'étaient donnés de voir. Okay. Et j'essayais de me mettre, j'avais devant moi les policiers qui avaient été impliqués. Certains étaient encore en service, d'autres étaient à la retraite et ils me racontaient ces trucs-là. Et avec beaucoup de détails, ils me racontaient à quoi ressemblait la scène de crime, quand ils sont arrivés sur place, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Et je ne pouvais m'empêcher de me dire, mais mon Dieu, que c'est épouvantable. Je ne vois que les photos, je ne lis que les rapports policiers et je trouve ça tout à fait renversant. Alors j'essaie de m'imaginer le policier qui est arrivé sur la scène de crime et qui a vu ses victimes mutilées par ces tueurs occultes, parce que la motivation était l'occulte derrière les éventreurs de Chicago. Donc ça, c'était tout à fait épouvantable. Donc c'est vrai qu'on est dans un autre univers, et comme tu le mentionnes si bien, c'est vrai qu'on exclut ici, dans le fait de regarder des photos, ça nous exclut le domaine, l'aspect olfactif de la chose, parce que souvent les policiers me disent, ben écoute, tu sais, quand t'arrives dans un endroit, puis le corps de la victime est là depuis 4 ou 5 jours, c'est sûr qu'il y a les odeurs qui vont avec. Là, t'sais, là, c'est ça. L'odeur très crue, par exemple. Et je me rappelle un policier qui me disait, je suis rentré dans la pièce, il y avait du sang partout. Puis dès qu'on a ouvert la porte, on a senti l'odeur un peu métallique du sang. T'sais. On savait d'ores et déjà, avant même de mettre les pieds dans la pièce, qu'il y avait eu un véritable carnage. On s'attendait à une scène tout à fait épouvantable. C'est la soirée, pour être explicite, Christian, mais moi, tout ce que j'ai entendu, et je pense que j'ai la chance dans la vie de ne jamais avoir senti cette odeur-là, là, l'odeur qui est la mort, puis ouais. C'est une odeur qui, semblerait-il, tu la reconnais tout de suite une fois que tu as... Voilà. Ça reste marqué. Ça. Ouais, c'est l'odeur c'est ça. De la mort, ça, c'est quelque chose qui m'est revenu souvent. Donc, dans le cas de ce crime-là, dont on va parler ce soir, l'affaire du Warlock, là aussi, les policiers ont été estomaqués dans un premier temps par le crime lui-même, horrifiés, je dis estomaqués, mais le mot parfait, c'est horrifiés par le crime, mais ils ont été aussi horrifiés par les motivations de l'assassin. Et je me rappelle le policier qui avait été en charge de l'enquête, parce que l'affaire se passe en Saskatchewan, comme on l'avait parlé, je pense, c'est la semaine dernière, où on parlait des ovnis, puis j'avais mentionné que mis à part le Québec et l'Ontario, toutes les autres provinces ont comme police provinciale la GRC, donc qui agit à la fois sur la scène fédérale, mais également sur la scène provinciale pour 8 des 10 provinces canadiennes. Donc, la GRC avait été appelée, la GRC qui a été appelée lorsqu'il y a eu cette histoire du Warlock, et le policier en question s'appelle Len Carlson. Il me racontait, il dit, non seulement j'ai été horrifié par la scène de crime, mais il dit, quand j'ai eu l'assassin devant moi et qui m'a raconté le crime, il dit, j'étais horrifié par l'individu. L'aplomb avec lequel il me racontait ce crime-là, et c'était comme s'il avait été fait à sa liste d'épicerie. Ouais. T'es comme, il y a un gros détachement. Oui, oui, il y a comme, pour lui, là, la victime est complètement déshumanisée. Là. La victime n'est qu'une chose qu'il a utilisée pour répondre à un besoin, pour répondre à un rituel quelconque. C'est quand même assez troublant. Et dans le cas présent, notre assassin était un adolescent de 14 ans. C'est encore d'autant plus troublant quand ton assassin qui a commis un crime aussi monstrueux a à peine 14 ans. Tu dis là, on est vraiment dans un... Tu t'attends pas de ça, un adolescent. On veut bien croire que des adolescents vont écouter du heavy metal, fumer 3-4 joints, puis bon, à la limite, renverser une pierre tombale dans un cimetière ou faire des graffitis, tu sais. Mais quand un type te raconte non seulement ses idées complètement fantaisistes, hein, qui l'ont amené à commettre son crime, mais également l'aplomb avec lequel il le raconte, là, c'est excessivement troublant. Donc, moi, quand j'ai fait cette série, la série des tueurs, la série Crimes occultes, et quand j'ai écrit mon livre, Les tueurs de l'occulte, j'ai choisi essentiellement des crimes dont la motivation première était l'occulte. Et dans les émissions de Radio X-Files, même si parfois on va inclure des crimes dont la motivation n'est pas fondamentalement au premier plan l'occulte, ce sont des crimes qui restent fascinants parce qu'il y a une dimension surnaturelle ou une dimension satanique, mais il y a quand même, il faut apprendre que le lexique fait une différence entre le crime occulte et le crime rituel ou le crime ritualisé. Mais encore une fois, au risque de me répéter, les crimes occultes, donc motivés essentiellement au départ par une croyance dans quelque chose de surnaturel, demeurent excessivement rares. Rajoutons un élément à la pile tant qu'à y être. Je crois qu'on va présenter tout de suite le segment divertissement parce qu'on parle du Jeffrey Dahmer. C'est bien lui qui était reconnu comme à la fois tueur en série mais cannibale. Ouais, exact. Et pourquoi j'ai choisi en fait dans mes sujets de divertissement aujourd'hui, j'ai choisi un film et un livre. Et dans les films, j'ai choisi un film qui s'appelle My Friend Dahmer. Et pourquoi j'ai choisi ce film? Ben comme à peu près tout le monde, tu sais que le 11 août dernier est décédé Anne H, qui est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 53 ans. Et donc un peu pour rendre hommage à l'actrice, c'est elle qui jouait la mère de Jeffrey Dahmer dans le film My Friend Dahmer. Donc, effectivement, c'est pas un très grand film. Anne Hitch y tient un rôle secondaire. Elle joue la mère de Jeffrey Dahmer, mais c'est vrai que Jeffrey Dahmer, sa motivation est à la fois... sa motivation première est une motivation sexuelle. Hein. Il amène des jeunes hommes chez lui. Il va les tuer pour les conserver, pour les garder, pour répondre à une espèce de besoin physique, sexuel. Mais éventuellement, on va ajouter à ses crimes des éléments un peu occultes. Hein. Si on y va un peu dans le détail, hein, il prenait par exemple une perceuse, perçait le crâne de ses victimes pour y verser de l'acide dans l'espoir d'en faire des zombies sexuels. Mmh. Donc là, on est vraiment dans une croyance complètement fantaisiste. Mais là, c'est comme hors de propos. Là, ce n'est plus seulement une motivation sexuelle. Il voulait, parce qu'au début, il tue ses victimes, mais là, évidemment, la victime, le cadavre, il ne peut plus en profiter comme il souhaiterait. Donc, il va chercher un autre moyen. Cet autre moyen, c'est de percer le crâne de ses victimes, de ses dernières victimes, c'est de les percer avec une perceuse et verser de l'acide ou d'autres produits dans l'espoir de détruire une partie de leur cerveau, mais de les garder vivants de manière à en faire des zombies sexuels. Sauf que les dommages étaient déjà faits, les lumières étaient fermées, là, techniquement. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, ces victimes sont toutes mortes. Ouais, c'est ça, de ce traitement-là. Et ensuite, ben, on le sait, Jeffrey Dahmer a au-delà d'avoir voulu faire des zombies sexuels, on le sait, il gardait chez lui des parties des cadavres et il s'est même adonné au cannibalisme, l'anthropophagisme. Il a mangé des morceaux des cadavres parce qu'il croyait qu'en mangeant des morceaux des cadavres, il avait l'impression que sa victime faisait partie de lui-même. Il acquérait une forme d'aura qui était l'aura de sa victime qui venait de consommer. Donc, c'est un peu un individu assez troublé. Il faut rappeler quand même que la période Jeffrey Dahmer, on lui connaît au moins 17 victimes. Il a été actif entre 1978 et 1991. Et c'est long. Moi, j'entends ça, là, je me dis qu'on n'avait pas les mêmes techniques d'enquête. Non. Merci aux avancées scientifiques. Et Jeffrey Dahmer, après avoir été condamné en 1991, a été assassiné en 1994, donc 3 ans plus tard, derrière les barreaux, il a été assassiné par un co-détenu. Okay. Donc, c'est ainsi qu'est disparu celui qu'on avait appelé le cannibale de Milwaukee. Est-ce que le film est très graphique ou ça s'écoute bien? En fait, moi, c'est ça, si on reprend le film, non, on va pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que le film My Friend Dahmer nous raconte plutôt, on voit un jeune homme assez troublé et ça nous décrit surtout ses années d'adolescence. Comment ce jeune homme très atypique et devient un peu le souffre-douleur de ses compagnons de classe, etc., parce qu'il a des pensées un peu étranges. On le voit, bon, il va ramasser des animaux morts sur le bord de la route, garde des animaux morts, s'amuse dans une espèce de hangar derrière chez lui à dépecer des animaux et à garder dans des bocaux des crânes et des organes. Mmh. Et tout ça se fait au-dessus de sa mère et son père. À un moment donné, dans le film My Friend Dahmer, on voit son père entrer dans la petite remise en question, puis là, il lui dit, ça suffit, il jette les bocaux, puis là, Jeffrey est un peu troublé de ça. Mais papa, qu'est-ce que tu fais de mes beaux bocaux? C'est mes projets, des organes? Ben oui, c'est mes projets, tu sais. Donc, c'est surtout cette partie-là qu'on a exploitée dans ce film, My Friend Dahmer. Okay. Donc, on montre les années d'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, au moment où Dahmer va commencer ses crimes, mais on va pas trop dans la zone de ses assassinats en série qui vont malheureusement faire de lui le tueur que l'on connaît. Parfait. Donc, c'est un film qui est assez moyen. C'est un film qui date de 2017. Mais pourquoi avoir choisi ce film? Encore une fois, c'est pour rappeler le décès d'Anne Heche qui joue dans le film la mère de Jeffrey Dahmer. Avant de faire entendre la bande-annonce, juste y aller rapidement avec le livre également que tu as choisi de Nicolas Walzer. C'est comme ça qu'on dit? Walzer? Oui, Walzer. Walzer. Okay. Nicolas Walzer, qui est docteur en sociologie à l'Université de la Sorbonne. C'est un ouvrage qui date de 2009, mais que je conseille énormément. C'est un petit livre de 186 pages. Ça s'appelle « Satan profane ». Et comme l'auteur est docteur en sociologie, il pose un regard sur le phénomène du satanisme dans son ensemble. Donc, c'est le satanisme versus la culture populaire, c'est le satanisme versus la religion et le satanisme versus la politique. Parce que très souvent, des gens de l'extrême droite, les néo-nazis et autres, seront qualifiés d'une certaine forme de satanisme. Le néo-nazisme devient le néo-nazisme de 2020 devient le satanisme des années 1980. Donc, il y a une espèce de récupération dans la politique du satanisme ou de l'idéologie satanique. Et ensuite, bien sûr, le satanisme avec la religion, satanisme et culture populaire. Donc, c'est un ouvrage que je conseille à tous les gens. Ça a été édité. C'est un ouvrage qui date de 2009 aux éditions Desclés de Brouwer. C'est disponible encore. J'ai fait la vérification de Nicolas Walzer, qui est docteur en sociologie. Donc, si on veut bien placer le satanisme dans un contexte culturel, ben je pense que c'est l'ouvrage à consulter. Super, on va écouter la bande-annonce de My Friend Dahmer. Moi, c'est ajouté à ma liste, Christian. Merci de la suggestion. Okay. Et au retour, on se concentre sur l'histoire du Warlock. Absolument. I now present to you Jeff. Jeffrey. For this, I'm Jeffrey. Okay, then I present to you Jeffrey Dahmer in his command performance. By the way, Dahmer, dumbass. I wish I had a best friend. Jeff's a little off, you know? I think he's kind of hilarious. Hey, Jeff, do you want to come sit at our table? I think we should form a fan club. With you as our fearless leader, we can really disrupt the school. Everybody ready? It's been difficult with your mother, so I moved into a motel. Take a deep breath. Are you okay? Hey, Dahmer, in the bag. You seem healthy to me. What about what's on a patient's mind? Talk about Jeff. What is this? You won't know about the kids because you're not at home anymore. You want to talk to somebody about him? I see things in you that I don't like about myself. I want you to have friends in ways that I never could. I thought you stopped. Dad always told me what to do, just like you, just like you. I like bones. It interests me. What's inside? God, Dahmer, you are such a freak! He's not a sideshow attraction. We're just having fun, you know? Get out of your shell. You need to be more normal. I'm just like anybody else. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. On est de retour dans Radio X-Files et ce soir, notre sujet de la soirée, on s'intéresse à Sandy Charles, qui est mieux connu sous le nom du Warlock, Christian. Oui, et on avertit tout de suite les auditeurs que la description des événements qui vont suivre pourrait choquer quelques personnes. Oh, ce soir, on est dans le détail, oui. On est peut-être mieux de les prévenir d'avance, là. C'est parfait. Donc, notre histoire de Sandy Charles, écoute, le théâtre des événements se passe à La Ronge. La Ronge, ça se trouve à 250 kilomètres au nord de Prince Albert, en Saskatchewan. On est très, très, très au nord de la Saskatchewan. En fait, la ville de La Ronge, c'est une ville de 5000 habitants. Elle est composée à 98% d'Autochtones des Premières Nations Cree. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une réserve autochtone. Mais c'est quand même une ville composée presque essentiellement de gens de la Première Nation Cree. Okay. Donc, on est le 9 juillet 1995. C'est là que l'histoire va commencer, si je puis dire. La GRC est informée ce jour-là qu'un jeune garçon de la ville, un certain Jonathan Timpson, est disparu. En fait, c'est sa mère qui loge l'appel aux policiers et elle dit qu'elle n'a pas vu son fils depuis la veille, donc le 8 juillet. Et là, elle raconte que pourquoi avoir attendu si longtemps avant de signaler la disparition de son petit garçon de 7 ans. On peut quand même trouver ça étrange, 24 heures. Ah, la mère de Jonathan Timpson raconte, elle dit « Mon fils partait souvent, comme ça en plein jour, allait dormir chez sa grand-mère sans laisser le moindre mot, sans note, rien. » Donc, lorsque Jonathan n'est pas rentré coucher ce soir-là, elle a conclu qu'il devait être parti dormir chez sa grand-mère. Mais dès le lendemain matin, lorsqu'elle a téléphoné à sa mère, qui est la grand-mère de Jonathan, la grand-mère dit « Non, moi, je ne l'ai pas vu non plus. » Donc, et là, on réalise que ça fait minimalement 12, voire peut-être même 20 heures qu'on n'a pas revu le petit garçon. Donc, à ce moment-là, la mère signale la disparition à la GRC et elle explique que son fils aussi aime beaucoup aller en forêt parce qu'il faut se rappeler, là, on est au nord de la Saskatchewan, tout près du lac La Ronge, d'où la ville tient son nom, en La Ronge, à cause du lac La Ronge, mais c'est une zone où il y a énormément de forêts. Là, on est presque rendu au territoire du Nord-Ouest. Là. C'est vraiment le nord de la Saskatchewan. Okay. Donc, elle dit, mon fils aime beaucoup aller en forêt. Oui, il se fait des bivouacs. Hein, c'est comme des espèces d'abris avec des branches et des feuilles puis des conifères. Puis il a dit peut-être qu'il s'est perdu en forêt. Donc, les policiers partent avec ces informations-là, commencent à faire une enquête de localité. On interroge les voisins. Est-ce qu'on a vu le jeune Jonathan Timpson? Évidemment, il y a un appel qui est lancé à la population. On demande aux gens d'ouvrir l'œil. Les gens qui sont le long de garder également l'œil ouvert pour les gens qui circulent le long du lac La Ronge. Est-ce que le gamin aurait pu tomber dans le lac? Parce que faut se rappeler que même si on est au mois de juillet, à cette hauteur-là en Saskatchewan, il fait quand même très froid lorsque la nuit tombe et on se dit qu'un petit garçon de 7 ans pourrait rapidement souffrir d'hypothermie. Donc, on est inquiet. On commence à faire cette enquête de voisinage et la GRC apprend que la dernière fois où le jeune Jonathan Timpson a été vu, c'est la veille, donc le 8 juillet. Il a été vu en compagnie de deux garçons de la ville, un certain Sandy Charles qui vient tout juste de fêter son 14e anniversaire. Hein, depuis deux jours, maintenant, Sandy Charles a 14 ans. Et il était avec un autre jeune garçon que nous appellerons pour les besoins de notre conversation, William Martin. C'est pas son vrai nom, mais comme le garçon n'a seulement que 8 ans, il n'est pas judiciable selon l'appareil judiciaire canadien. Donc, on va garder son nom confidentiel. Appelons-le William Martin. Donc, Sandy Charles et William Martin sont les dernières personnes apparemment à avoir vu le jeune Timpson. Et lorsque les policiers interrogent Sandy Charles, Sandy Charles les explique effectivement en milieu d'après-midi, le 8 juillet, ils ont rencontré le jeune Timpson, ils ont décidé de jouer à la balle. Le jeune Timpson les a accompagnés derrière la résidence où vit Sandy Charles. Ils ont joué à la balle, au baseball, et éventuellement, cette rencontre amicale a dégénéré. Ça a viré en dispute et le jeune Timpson est disparu. Et Sandy Charles explique qu'il devait être à ce moment-là 15h, 15h30 et depuis, il n'a pas revu non plus le jeune Timpson. Donc, on continue les recherches, on met des affiches un peu partout. On n'a pas encore, on déclenche pas une alerte Amber, mais c'est tout comme, parce que bon, l'enfant ne peut pas être très éloigné de la ronge, ou bien il a pu être aussi kidnappé. Donc, on est très inquiet, puis c'est surtout les conditions climatiques. La nuit, la température tombe, et on se dit que le jeune Timpson pourrait être victime de, pourrait souffrir d'hypothermie. Le 11 juillet, donc là, l'enfant est disparu depuis 3 jours. Le 11 juillet, la GRC organise une grande réunion pour les bénévoles dans un centre communautaire de la Ronge. Donc, il y a des centaines de personnes qui sont là. Les policiers de la gendarmerie vont établir des zones à vérifier, tel endroit, et séparer les groupes de bénévoles pour mieux orchestrer les recherches sur le terrain. Et au nombre des bénévoles, on retrouve bien sûr Sandy Charles, que c'est 14 ans, et son petit ami William Martin, 8 ans, qui sont là et qui acceptent aussi de participer aux recherches dans l'espoir de retrouver le jeune Timpson. Le soir même, des bénévoles vont retrouver dans un boisé, pas tellement loin d'ailleurs de l'endroit où vit Sandy Charles, on va retrouver le corps du jeune Timpson. Et au moment où les bénévoles découvrent le corps de Jonathan, il est comme couché sur le ventre, un peu recroquevillé. Les bénévoles diront, on avait l'impression qu'il dormait. Et quand on s'est approché de lui et on l'a retourné, et là on a bien vu qu'il avait le visage déjà infesté d'asticots, ah. Et il avait encore la lame d'un couteau planté dans l'œil gauche. Et il avait le crâne complètement déformé. Visiblement, il avait été frappé par des objets contondants. Donc, à ce moment-là, le corps, évidemment, est envoyé, et la police se saisit de la scène, le corps est envoyé pour une vérification médico-légale, et on constate que l'enfant, qui était habillé au moment où on a trouvé son corps, on s'aperçoit en le déshabillant qu'on a prélevé sur son corps 7 bandes de chair. Comme des grosses tranches de bacon qui font à peu près le 10 cm par 7 cm. Et ces bandes-là ont été prélevées sur ses jambes, sur son abdomen et dans son dos. Le 12 juillet, donc le lendemain, les policiers commencent à inspecter la scène de crime. Les policiers, Len Carlson, dont j'ai parlé en début d'émission, qui est chargé de l'enquête, décident de reparler à nouveau à Sandy Charles, puisque Sandy Charles est le dernier à avoir vu le jeune Timpson. Donc, on l'amène au poste de la GRC, on interroge. Lui et son petit compagnon de 8 ans, William Martin, disent ne pas savoir ce qui est arrivé, ne pas être au courant de rien. Mais après avoir été cuisiné pendant 1 heure ou 2, les gamins avouent, ce sont eux qui ont tué le jeune Jonathan Timpson. Et à ce moment-là, les raisons qu'ils vont évoquer pour justifier la mort du petit garçon de 7 ans vont laisser tout à fait étonnés sur le dos les policiers de la GRC. Disons d'abord, qui est ce Sandy Charles? C'est un jeune garçon qui est né le 6 juillet 1981. Donc, comme je l'ai mentionné, au moment des faits, il vient tout juste de fêter son 14e anniversaire. Sa mère s'appelle Jean Charles. Au moment où son fils est né, c'était une adolescente de la Première Nation Cree. Elle avait 17 ans à ce moment-là. Elle était célibataire. Donc, elle donne naissance à Sandy et elle va vivre avec ses parents qui habitent une cabane en forêt, loin de la ville de La Ronge. Et le jeune Sandy Charles va passer sa petite enfance littéralement isolé du reste du monde. De 0 à 5 ans, là, il va vivre dans cette cabane-là, en forêt, où vit sa mère et ses grands-parents, mais il n'a à peu près aucun contact avec d'autres personnes, si ce n'est de temps à autre, lorsque sa mère se rend à La Ronge, où il va l'accompagner comme enfant. Mais en dehors de ça, il ne socialise pas, il n'a pas de gens autour de lui. Finalement, ses premiers contacts véritables avec la société vont se produire au moment où il arrive à l'âge de 5 ans. Sa mère décide de d'emménager dans un appartement de La Ronge parce que son fils doit être inscrit à l'école. Et c'est là que Sandy Charles va avoir ses premiers véritables contacts avec la société en général. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je te dirais que c'est un enfant assez ordinaire. C'est sûr que son milieu familial est difficile. C'est la promiscuité. C'est pas sa mère qui est célibataire et excessivement pauvre. Elle va de petit boulot en petit boulot. Elle va donner naissance durant cette période-là, dans les années donc jusqu'à entre le moment où Sandy a cinq ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Elle va donner naissance à un autre petit garçon et à une petite fille. Tous ses enfants, incluant Sandy, sont nés de pères différents, des pères qui sont absents. C'est Sandy qui doit jouer un peu le babysitter. Donc, c'est lorsque sa mère travaille, c'est lui qui s'occupe de sa jeune sœur et de son jeune frère. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, il est un enfant assez ordinaire. Et à partir de l'âge de 13 ans, il va se découvrir un goût pour l'occultisme. Donc, là, il va commencer à utiliser une planchette Ouija. Il joue avec ça seul dans sa chambre. Il est persuadé qu'il entend des voix. Il croit que sa chambre est hantée par le fantôme de son père, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu, et qu'on lui a dit qu'il était mort. On ne sait pas si c'est vrai, mais on lui a dit ça. Donc, il n'est pas là. On lui a dit que son père était mort, donc pose pas de questions, finalement. Donc, Sandy s'imagine que sa chambre est hantée par le fantôme de son père. Et à ce moment-là, il entre progressivement dans une forme de dépression. Il pense de plus en plus au suicide. Il rêve de réalité, de s'évader. Et c'est à cette époque qu'il va découvrir le film Warlock. C'est un film d'horreur de série B qui met en vedette Julian Sands, qui a été réalisé en 1991. Et en regardant ce film, lui, Sandy Charles, qui rêve d'évasion, va trouver la formule qui lui manquait. Et dans le film Warlock, on donne cette fameuse formule, on la fait entendre. Si tu m'éclairais. Warlock va se déplacer très rapidement. On va pas le draguer ici. Tu crois qu'il a tué ce gosse? De tous les ingrédients utilisés par les sorciers, le plus convoité est la graisse humaine. Si cette graisse coupée vient d'un enfant mâle non baptisé, c'est qu'il a dans la tête une idée bien arrêtée. Alors je t'écoute. Une potion volante. De là, les tranches de bacon, là. Écoute. Tu te dis, c'est comme pas possible. Effectivement, dans le film Warlock, le Warlock, c'est un mauvais sorcier. Il se déplace dans l'air après avoir consommé les graisses fondues d'un enfant non baptisé. Et là, Sandy Charles, dans son espèce de délire, il se dit, ben voilà la formule, c'est de ça que j'ai besoin. Alors à ce moment-là, il construit un plan. Et le 8 juillet 1995, il met son plan en exécution. Il va convaincre le jeune, bon, il y a son petit ami, William Martin, de 8 ans. Avec lui, il convainc le jeune Timson de venir jouer avec eux au baseball. Pourquoi avoir choisi le jeune Timson? Parce que Timson est né sans père lui aussi. Donc, sa mère a donné naissance à son enfant. Et comme il n'y a pas de père, pour Sandy Charles, le fait qu'il n'y ait pas de père, c'est pas tout à fait comme s'il n'était pas baptisé, mais c'est presque du pareil au même. Donc Jonathan Timson devient pour lui un bon candidat à son plan. Donc lui et son ami William Martin vont convaincre Timson de venir jouer à la balle chez lui. Il faut dire que préalablement, il a tout pensé à son plan. Il a caché dans la forêt, près d'une grosse pierre, il a caché un couteau. Et là, il a convaincu son petit ami William Martin. Il dit, on va jouer au baseball. Je vais envoyer la balle dans le boisé et on va faire semblant d'avoir perdu la balle. On va inviter Timson à se joindre à nous pour chercher la balle dans le boisé. Et quand on va arriver près de la grosse pierre, je vais prendre mon couteau et je vais lui trancher la gorge. Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on joue à la balle, on envoie la balle dans le boisé. Sandy Charles dit, bon, on a perdu la balle. Timson s'approche d'eux. Et à ce moment-là, Sandy Charles prend un couteau, lui tranche la gorge. Mais évidemment, le gamin tombe à terre. Il est en train de se vider de son sang, mais il gigote. Sandy Charles va lui donner plusieurs coups de couteau. Et en le frappant, à un moment donné, la lame va rentrer dans un œil et il va briser la lame dans l'orbite. Et à ce moment-là, Timson est toujours vivant. Ils vont saisir des roches autour d'eux et des bouteilles, des tessons de bouteilles, et ils vont frapper le gamin jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. Et une fois, et là, on est vraiment dans le sordide, là. Une fois que le gamin est mort et ne bouge plus, très, très banalement, Sandy Charles et le jeune William Martin vont retourner chez Sandy, parce que tout ça se passe littéralement dans le boisé, derrière la maison. En arrière de chez eux. En arrière de chez lui. Donc, Sandy Charles va retourner chez lui, va aller chercher un autre couteau, des boîtes de conserve. Ils vont retourner dans le boisé et là, vont faire les fameux prélèvements de chair sur le jeune Timpson. Des tranches de bacon, entre guillemets, qu'ils vont placer dans ces boîtes de conserve vides, qu'ils ramènent à la maison. Et là, durant son interrogatoire à la GRC, Sandy Charles raconte ça en détail, sans la moindre émotion. Il raconte, il dit, on est revenu à la maison, on a fait fondre les fameuses graisses sur le poêle, mais l'odeur qui se dégageait était tellement nauséabonde que finalement, on a décidé de ne pas les boire. Qu'est-ce que l'on a fait? C'est qu'on a pris les graisses, on les a vidées dans une espèce de pot maçon, et il dit, j'ai placé ça derrière la chaufferie là, à la maison. Il y a comme une espèce de sous-sol avec une fourrure qui est là, ouais. Il a placé ça là, puis il dit, ben voilà, c'est là. Et d'ailleurs, justement, lorsque la GRC, après les déclarations de Sandy Charles, lorsque les policiers vont faire une saisie au domicile de Sandy Charles, ils vont retrouver, bien sûr, le couteau, les pinces qui ont été utilisées, et bien sûr, les pots contenant les graisses fondues du jeune Timpson. Et au moment de son interrogatoire, non seulement Sandy Charles reste de glace lorsqu'il raconte ça, puis là, on se replace dans le contexte, on a un gamin de 14 ans qui raconte ça, il dit, bon, voilà, j'ai pris la chair, j'espérais faire une concoction pour pouvoir voler. Et l'autre raison qu'il donne pour avoir commis ce crime, il explique à l'agent Carlson, il dit, on est en 1995, l'année 2000 arrive à grands pas, et comme l'année 2000 arrive à grands pas, il imagine que l'année 2000 marquera l'arrivée, l'avènement du diable. Et il dit à Carlson, il dit, je pense qu'avec le crime que j'ai commis, je viens de me placer en bonne position pour devenir un suppôt, un apôtre du diable lorsqu'il va revenir en l'an 2000. C'est complètement fou et éventuellement, bien sûr, Sandy Charles sera accusé du meurtre. Il faut savoir que dans le système, l'appareil judiciaire canadien, un enfant âgé de moins de 12 ans n'est pas judiciable. Ben, j'allais là, en tant que, justement, avocat, ou oui, un des deux meurtriers a 14 ans, mais tu fais quoi avec le petit loup de 8 ans? Ben c'est ça. Donc, le jeune William Martin ne sera pas accusé de rien. Il va simplement être transféré dans une famille d'accueil, loin des lieux où il a commis son crime. Donc, il est envoyé ailleurs et avec un suivi psychologique, bien sûr, pour une réhabilitation. D'ailleurs, le jeune William Martin, je peux pas donner trop de détails, mais lui, toute cette idée du surnaturel, il en avait pas vraiment conscience. Pour lui, tout ça était... Parce que tout ça, au départ, était comme un jeu. Il croyait pas vraiment que boire de la chair fondue lui permettrait de voler ou tout ça. Il embarquait pas vraiment dans cette espèce de fantasme qui était essentiellement celui de Sandy Charles. Bref, il est envoyé dans une autre famille avec un suivi psychiatrique. Dans le cas de Sandy Charles, là, on est dans un autre domaine. C'est un jeune qui vient d'avoir 14 ans. Et selon la justice canadienne, un adolescent qui a commis un crime aussi grave qu'un meurtre, même si à partir du moment où il a 14 ans, il peut être jugé devant un tribunal pour adultes. Okay. Et Sandy Chan sera justement jugé devant un tribunal pour adultes. Évidemment, on ne peut pas le condamner à la prison à perpétuité comme on ferait avec un adulte, mais les peines devant un tribunal pour adultes sont beaucoup plus lourdes. Donc, Sandy Charles a son procès et durant le procès, j'ai pu voir des bandes vidéo qui ont été tournées dans le procès, il se fout complètement du procès. Là. Il s'est fait pousser des grands ongles, il racle les murs du box où il est assis. Lorsque le juge lui parle ou quand le procureur lui parle, il laisse échapper de grands soupirs. Il est vraiment ailleurs. Hein? Il joue ce rôle du jeune diabolique Sandy Charles. Hein? Les médias ont parlé de lui énormément, de sa psychose. Est-ce que les films d'horreur ont influencé Sandy Charles? Il est quelque part une espèce de vedette locale. Et lorsqu'il débarque, par exemple, j'ai des images là, où on le voit débarquer des voitures de police, on voit les flashs des caméras qui le mitraillent. Il atteint une espèce de notoriété que probablement à laquelle il ne s'attendait pas, mais il aime sans aucun doute cette notoriété. Donc, lorsque le procès, il se fout complètement de ce qui se passe. Et éventuellement, le juge va le déclarer non coupable pour cause d'aliénation mentale. Et là, j'entends déjà les gens qui vont dire « Ah, ça, c'est la belle affaire, aliénation mentale. » Pas tout à fait. Si Sandy Charles avait été jugé par un tribunal pour adultes comme il l'a été, mais jugé apte à subir un procès, au maximum, on aurait pu l'enfermer jusqu'à sa majorité, donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, on aurait dû le remettre en liberté conditionnelle, même s'il y avait eu un suivi judiciaire après. Mais dans le cas du moment où le juge le déclare inapte à subir un procès pour cause d'aliénation mentale, on peut l'envoyer dans un institut psychiatrique sans qu'il y ait un élément sans qu'il y ait une période qui soit associée à sa condamnation. Donc, Sandy Charles pourrait être envoyé dans un institut psychiatrique pour 5 ans, 10 ans, 50 ans. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, Sandy Charles est jugé inapte à subir un procès pour cause d'aliénation mentale. Il est envoyé pour une période indéterminée au centre psychiatrique de North Battleford. Ça se trouve au nord-ouest de Saskatoon. Et il y est toujours. En 1996, il va s'évader pendant 24 heures. Et là, évidemment, c'est le branle-bas de combat. On va le retrouver, on va lui placer un bracelet autour de la cheville. Et au cours des années qui vont suivre, Sandy Charles va connaître des épisodes de violence. Il va être transféré parfois au centre psychiatrique de North Battleford ou au centre régional de Saskatoon, le centre psychiatrique régional. Donc, il fait des allers-retours entre ces deux centres-là. L'un, lorsqu'il a des crises de violence, on l'envoie dans l'un parce qu'il est mieux adapté. Lorsque Sandy Charles redevient un peu plus stable, on l'envoie dans l'autre. Et depuis sa condamnation en 1996, il fait des allers-retours de cette manière-là. Et au moment où on se parle, en 2022, Sandy Charles est toujours détenu dans un centre psychiatrique de Saskatoon pour un crime qu'il a commis en 1995. Avec des motivations essentiellement occultes et surnaturelles qui dépassent l'entendement. Est-ce qu'on lui connaît des épisodes de violence récents? En fait, le dernier épisode violent dont moi j'ai entendu parler, ça date de 2 ou 3 ans. Il s'en est pris à un infirmier un centre psychiatrique. Il s'en est pris à un infirmier. Donc, on l'a placé pendant 24 heures en isolation avant de le transférer à un autre centre. Et je sais aussi que ces dernières années, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, il a demandé à être transféré. Il se trouvait à ce moment-là au centre psychiatrique de North Battleford. Il avait demandé à être transféré au Regional Psychiatric Center de Saskatoon. Et pour des raisons qui sont restées un peu nébuleuses, le juge a refusé son transfert. Okay. C'est vrai que là où il se trouve, le centre de North Battleford est mieux adapté à des individus violents comme l'est visiblement Sandy Charles. Donc, c'est probablement la motivation qui a justifié la décision du juge. Et 2-3 ans, c'est ça, c'est extrêmement récent. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne voit pas de signes d'amélioration. C'est une cause perdue quasiment, là, Christian, malheureusement. Oui, absolument. On a bien statué durant le procès en 96 que Sandy Charles avait des troubles mentaux très clairs, une sorte des moments de psychose. Et ces moments de psychose-là se traduisaient par des excès de violence épouvantables. Et justement, lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, quand il a demandé à être transféré, la demande justice disait que Sandy Charles souhaitait mieux être mieux encadré pour pouvoir contrôler ses excès de violence. Mais visiblement, sa demande n'a pas eu beaucoup d'effet auprès du juge et Sandy Charles est resté à North Battleford où il est toujours aujourd'hui. OK, mais merci de nous avoir fait découvrir l'histoire ce soir. Christian, je te souhaite à toi et aux auditeurs un excellent week-end et on reprend ça la semaine prochaine. Absolument. Alors, bon week-end à tout le monde. Ciao. Bye-bye.